Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Antonia de Randinger. Salut Antonia, comment tu vas ? Salut Sofiane, ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va super, merci. Je tenais absolument à t'inviter dans ce podcast pour non seulement pour écouter tes anecdotes comme tous les autres invités, mais surtout pour qu'on rétablisse ton nom, qu'il soit tu vois, réhabilité en audio, parce que j'en ai assez d'entendre à chaque fois Randinger, Redinger, tout ça. Non, c'est Antonia de Randinger. À chaque fois, je souffre pour toi. Moi aussi, j'ai un nom, tu vois, je souffre pour toi parce que j'ai un nom compliqué à prononcer. Les gens prononcent des fois Été, Étaï, alors que la vraie prononciation, c'est Étaï. D'accord, ouais, j'aurais dit Étaï. Je pense que le tréma sur le I insiste bien, quoi, non ? Ben oui. Mais justement, mais je pense que ça vient du fait que toi aussi, tu vois, tu as le même syndrome que moi, en fait. C'est que comme on a des noms un peu compliqués, on fait tellement attention aux noms des autres que voilà, tu vois, je veux dire, on a tellement souffert qu'on a une empathie envers les noms des autres, quoi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a trop de haine dans mon nom, en fait. Mais écoute, tant qu'il n'y en a pas dans ton cœur de la haine. Oh, c'est beau, c'est du Francis Lalanne, c'est merveilleux. On salue Francis, hein. Qui nous écoute, évidemment. Oh, mais certainement. D'ailleurs, il est le bienvenu dans le podcast. On va faire Galère de chanteur aussi. À mon avis, lui, il doit avoir une belle liste de trucs. Ben, en fait, j'ai l'impression que tous les humoristes, tous les artistes au sens général ont des anecdotes, tous ont des anecdotes de dingue, des galères qui leur sont arrivées et tout. Et je pense que le monde de la chanson, ouais, n'est pas épargné par ça, quoi. Ouais, mais je pense que de toute façon, tu touches un point très sensible avec ton idée de podcast, parce que c'est clair que je crois que dès qu'on se frotte au vivant, à la scène, on a forcément, moi je vois en préparant un peu notre entretien, j'ai listé des choses, je me suis arrêtée à une quinzaine d'événements en me disant en fait je vais donner l'impression que notre vie n'est qu'un enfilage de perles de merde et qu'il nous arrive que des galères, parce que je pense qu'effectivement quand on se retrouve entre humoristes dans les soirées, on a toujours tendance un peu à partager nos cicatrices et comme si on était des vétérans de guerre. C'est exactement ça. Moi, je compare souvent ça à la guerre, tu vois. Et surtout, quand on a vécu une galère avec un autre ou une autre humoriste, ça nous soude pour la vie, comme si on avait servi dans le même régiment, tu sais. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Oui, on a fait le Vietnam. Tu te dis, ah, tu te souviens, Montreux 2012. Ah là là, on s'en est sorti vivant. On a perdu quelques plumes, mais bon. Et bien justement, ce sont ces fameuses plumes dont j'aimerais parler. Je voudrais, je voulais savoir, voilà, donc tu as listé quelques anecdotes. Écoute, je te laisse gérer, tu peux y aller crescendo ou balancer au hasard, comme tu veux. Alors écoute, en fait, ce qui ressort un peu de ce que j'ai listé, parce que j'avais quand même eu quelques consignes de ta part concernant notamment les choses qui sont audibles ou pas audibles par un public familial. Donc j'ai quand même quelques trucs que je pourrais pas forcément raconter lors de notre entretien, ou alors je les raconterai en off, mais moi en fait ce qui ressort, c'est que moi dans mon activité professionnelle, c'est un peu un iceberg, donc ce que les gens connaissent, c'est ce qu'on voit, c'est les télés, c'est les spectacles qui sont annoncés via mes réseaux et tout ce qui est grand public, mais je travaille beaucoup en entreprise aussi, je travaille pas mal soit pour des présentations de soirées, soit pour des soirées privées avec des boîtes ou des institutions. Et souvent, c'est une partie un peu moins connue de mon activité. Et j'ai comme ça la première chose qui me venait en tête, c'est une soirée il y a quelques années. Notamment, moi, je fais beaucoup d'improvisation. Et avec mon groupe d'impro strasbourgeois, on avait, mais je te parle de ça, il y a peut-être 20 ans, hein, puisque ça fait un moment que je bosse. On avait été sollicité pour faire une soirée avec une très grosse entreprise de machines-outils pour l'agriculture et l'agro-industrie en règle générale. Ils étaient 800, c'était au Parc Expo à Mulhouse, et ils avaient décidé, l'organisateur, la boîte d'événementiel qui nous adorait, qui venait nous voir en spectacle hyper souvent, avait décidé d'acheter un catch impro. Donc le principe que ma compagnie, j'en profite pour le caser dans ton podcast, mais c'est ma compagnie Inédit Théâtre qui a déposé en 98 le concept du catch impro, puisque c'est nous qui l'avons vraiment créé. Cette boîte s'appelle Grand Blaise Leroy, et elle avait décidé d'acheter du catch impro pour ses pour ses employés, ou plutôt c'est la boîte d'événementiel qui avait décidé de leur proposer ça. Et donc le catch impro de comédiens contre deux comédiens avec un arbitre au milieu, puis un peu sur le système du catch. Sauf que la bonne idée, ça avait été en plus de ça, de coupler ça avec une soirée Beaujolais Nouveau. C'est que on se retrouve dans un hangar avec 800 personnes, avec des tables de 10, un hangar avec 25 mètres sous plafond, une acoustique complètement foireuse et un ring au milieu de toutes ces tables. Et entre le plat chaud et le fromage arrive le spectacle de catch impro. Et on se retrouve à jouer devant 800 bonhommes, parce que je pense qu'il devait y avoir... 15 nanas de la compta qui étaient là, mais enfin le gros du bazar, c'était 800 bonhommes qui avaient tous à peu près une bouteille de Beaujolais dans le pif. Et on commence à faire notre spectacle dans un brouhaha qui est absolument indescriptible. On se rend bien compte qu'à part les 3-4 tables qui sont vraiment proches de la scène, personne n'écoute. Et on mène tant bien que mal notre barque en essayant de solliciter le public pour avoir des mots, des petites phrases. Et donc, on se retrouve à essayer tant bien que mal de jouer notre spectacle. Et c'était absolument calamiteux. Au point qu'il y a un moment où il y a carrément des mecs qui se sont levés de leur table et qui sont montés sur scène et qui ont commencé à jouer avec moi, être super obscènes, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais vraiment dit, en même temps que je jouais, tu sais, à l'époque, c'était 1000 francs le cachet. Et je dis, allez, tu gagnes 1000 balles et tu serres les dents. Ça, c'était une de mes très grosses galères de tout début de carrière. C'est se retrouver comme ça. Mais ça avait le gros avantage qu'on était, en tout, on était 5 ou 6 embarqués dans le bateau entre le régisseur et les comédiens sur scène. Et je me souviens qu'à la fin de la première période, puisqu'on faisait ça en deux périodes avec un entracte entre les deux, la nana de l'événementiel est venue nous voir dans un état de confusion absolue en nous disant qu'elle était désolée, que c'était une vraie erreur de casting et qu'elle en était entièrement responsable. Et puis voilà, elle nous a gentiment relevé de nos fonctions et il n'y a pas eu de deuxième période. Voilà, donc ça c'était, je pense, en termes d'historique, c'est un des premiers moments où je me suis sentie dans l'embarras sur scène. Mais bon, voilà, on était 5, on a pu quand même se soutenir les uns les autres. Puis tu sens dans le regard de ton partenaire sur scène une vraie empathie de te dire, bon, voilà, c'est mauvais endroit, mauvais moment, ça ne correspond pas, on n'est pas devant le bon public. Voilà, ça c'est plus historiquement, je dirais, c'est le truc le plus ancien dont je me souviens. J'ai eu aussi dans ma carrière des moments aussi un peu particuliers. Je me souviens d'avoir un jour joué à Erstein, à côté de Strasbourg, toujours, dans une salle de spectacle un peu particulière, puisque c'était une salle de spectacle dans un hôpital psychiatrique. Et la fille qui organisait ça était infirmière en HP. Et elle avait décidé d'amener un peu l'humour et le spectacle à l'hôpital, pour les patients de l'hôpital, et pour les personnels, etc. Et en fait, elle essayait aussi de faire venir du grand public dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique pour essayer de casser un petit peu cette image de l'hôpital psychiatrique qui est un univers assez carcéral, finalement. Et elle avait eu l'idée de faire venir des artistes et elle leur demandait de faire deux séances. Une séance spécialement pour le personnel soignant et les patients, et une séance pour le grand public le soir qui venait en dehors de tout le cadre. C'était juste l'écran était une salle dans un hôpital psychiatrique, mais ça ne changeait rien à l'aspect technique d'une salle normale, quoi. Et donc le soir, je savais que la salle était pleine et qu'il y aurait du public qui venait d'un peu partout de la région. Et dans l'après-midi, je faisais une séance et elle m'avait dit oh, « Tu sais, le public, il faut que tu te mettes un petit peu en condition. Le public est très particulier. C'est souvent un public qui est sous médicaments, qui a pas toute sa tête et qui forcément peut avoir des réactions un peu inattendues. C'est des gens gentils, calmes, mais tu peux avoir des réactions inattendues. Et je ne te demande pas de faire le spectacle dans l'intégralité. Tu peux très bien faire juste 3-4 sketchs et ce sera très bien. » Moi, je lui avais dit, non, je vais faire le spectacle en entier. Il n'y a pas de raison pour que, parce que c'est un public particulier, je ne fasse pas le spectacle en entier. Donc, je préfère jouer mon spectacle en entier. Donc, je joue le spectacle vers, 15 heures, devant un public très parsemé de patients et d'infirmiers et médecins psychiatres. Et c'était très étrange parce qu'effectivement, c'était un public qui ne réagissait jamais au bon moment, qui ne réagissait jamais de la façon attendue que tu as. Donc, tu sais, tu as tes punchlines, tu as tes petites vannes, etc. Et là, en l'occurrence, Je voyais les yeux vitreux des gens qui me regardaient. Je voyais qu'ils étaient très intéressés par ce qui se passait, mais clairement, il y avait une autre histoire qui se jouait dans leur tête. Et voilà, je ne me déstabilisais pas, je savais, si tu veux, à partir du moment où le contrat est clair, que tu sais que dans le public, tu ne joues pas devant ton public, tu joues devant un public qui a une autre lecture de ce que tu es en train de faire, je pense que tu es conditionné, et tu fais ton job et tu es prêt. Et puis moi, encore une fois, je viens de l'impro, donc je pense que j'ai quand même une certaine capacité à m'adapter à ce qui est en train de se passer. Et là, il y avait une dame au troisième rang qui parlait avec moi pendant le spectacle. Donc, je jouais mes sketchs et je jouais une petite vieille dame qui s'appelait Madame Cailleux et qui était concierge de son immeuble et qui parlait comme ça et qui s'occupait de sa mère qui avait 99 ans, qui était un personnage imaginaire en fond de scène derrière un paravent. Et Madame Cailleux, elle avait une table, enfin, c'était un univers, un intérieur de chez une vieille dame, donc des fauteuils fleuris, une nappe à fleurs, du papier peint fleuri, tout ça dans le même tissu, etc. Et à un moment, cette dame qui me parlait pendant que je jouais se lève et elle monte sur scène et elle me dit « Tiens, je t'ai apporté une banane. » Donc, je suis sur scène en petite vieille dame. Je dis « Oh, ben, c'est vraiment gentil, ma cocotte. » Tu la manges quand tu veux. Hein. Puis elle me dit, tu sais, ma fille, elle ne vient plus me voir à l'hôpital. Je dis, oh, ça ne doit pas être facile alors. Hein. Je crois qu'elle a honte de moi. Je dis, oh, je suis sûre que tu te trompes. Tu sais, va te rasseoir. Je vais te raconter toute l'histoire et après ça, tu verras, on discutera, etc. Donc elle va se rasseoir dans le public. Tu t'en es bien sortie quand même. Hein. Mais elle arrivait à un moment où je pouvais interrompre ce que j'étais en train de faire pour discuter un peu avec elle. Et de toute façon, je me disais, c'est un moment à la fois très troublant pour moi, mais il y a quelque chose d'un peu magique parce que cette femme, elle rentre dans un autre univers, elle ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, dans quel contexte elle est. Elle était complètement à côté de la plaque. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des musiques de transition, c'était des musiques des années 40-50. Et à un moment, avec le crin-crin du 78 tours, tu vois, etc. Donc, il y avait un moment, il y avait « Parlez-moi d'amour ». Et là, elle se lève et elle commence à chanter toute la chanson dans son intégralité. Et donc, elle se met à chanter la chanson du truc. Donc, la musique s'arrête. Elle chante en entier. Et je l'applaudis. Je lui dis merci, etc. Et puis, trois quarts d'heure plus tard, elle se lève. Elle me dit, je récupère ma banane. Je lui dis, mais reprends ta banane, évidemment. Reprends ta banane. Et donc, elle repart avec sa banane. Et je me souviens plus de grand-chose de ce spectacle. Je me souviens de cette dame. Ouais. Qui avait passé un moment comme ça à se confier à moi et elle n'était pas vieille, hein, elle devait avoir, je ne sais pas, 55 ans, quelque chose comme ça. Mais il y avait un truc très particulier, voilà. D'accord. C'était entre la galère et le moment spécial, tu vois. Tu te dis, waouh, au même titre que de temps en temps, quand tu sors de scène, tu as des gens qui viennent te voir avec des témoignages de vie qui sont... extrêmement troublant parce que quand tu viens jouer comme ça devant un public, t'as pas forcément t'as conscience d'une entité qui est le public, mais t'as pas conscience des entités qui forment ce public, de ce que tu leur apportes, de ce que tu leur transmets, qui peut être très violent, qui peut être très joyeux, qui peut être, voilà, tu sais pas trop. Et je me souviens notamment d'une fois d'une dame qui était venue me voir et qui m'avait dit, vous savez, j'ai perdu mon fils dans un accident de moto, il avait 18 ans, il s'est tué il y a un an. Et je n'avais pas ri depuis sa mort. Et c'est la première fois que j'arrive à re-rire. Et vous m'avez offert le soleil, le fait de me dire que ce sera possible à nouveau. Elle me dit, je suis triste, je crève de douleur et de tristesse, mais c'est la première fois que j'ai un peu une trêve, que les nuages s'écartent et que le soleil arrive et que je me dis, c'est possible. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà, et je crois que au même titre qu'on a des galères, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait ce métier pour tous ces gens-là qui nous disent combien ils ont besoin de nous, tu vois. Et là, je trouve que le fait qu'on nous ait dit pendant un an et demi qu'on n'était pas une profession essentielle, moi, ça me choque pour ça, parce que moi, je sais qu'on est une profession essentielle. Je sais que quand tu as quelqu'un qui vient te voir, comme ça a été mon cas, pour te dire « Je suis venue vous voir la semaine dernière avec ma maman qui était en soins palliatifs. Elle est morte le lendemain de votre spectacle. » Et on a passé la soirée à rire et à oublier qu'elle allait mourir, tu vois, tu prends un uppercut dans le ventre et tu te dis waouh! Et moi, j'ai joué sans savoir que je jouais pour cette dame. Au même titre que là, j'ai un très bon ami que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, c'est comme ça d'ailleurs je l'ai rencontré, qui m'a dit je voudrais vous offrir des bijoux. Je dis, vous êtes adorable, mais dis donc, je suis créateur de bijoux, je voudrais vous offrir des boucles d'oreilles. Et je lui dis, bah, c'est très gentil, écoutez, je n'ai pas les oreilles percées. Mais il me dit, non, mais je veux vous offrir des boucles d'oreilles, je vous explique, je crée des boucles d'oreilles, je crée des bijoux. Et ma meilleure amie est morte il y a quelque temps. Et le dernier moment que j'ai passé avec elle, c'est votre spectacle qu'on a regardé ensemble sur Comédie Plus. Et on a ri comme des baleines dans sa chambre d'hôpital. Et il me disait, voilà, et en fait, je voudrais vous remercier de lui avoir offert ce moment avant qu'elle disparaisse. Et voilà, je pense que toutes ces galères, elles sont tellement rien par rapport à tout ce qu'on vit d'intense et tout ce qu'on fait vivre aux gens. Je crois qu'on apporte vraiment beaucoup plus que du divertissement, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et au niveau de la dame avec sa banane, c'est vrai que c'était quand même assez émouvant. Après, le fait, moi je me pose la question, excuse-moi, hein, mais le fait qu'elle ait repris sa banane à la fin du spectacle, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est une espèce de critique Billet-Réduc négative végétale? C'est complètement ça, c'est complètement ça. Si tu avais été marrante, je t'aurais laissé la banane, mais là, je suis désolé, ton potassium, tu iras le chercher autre part. Mais en plus de ça, la banane, c'est quand même tout un truc, quoi. Te dire, tu donnes la banane, quoi. Je t'offre avoir la banane, c'est... Ah, c'est symbolique. J'avais eu la banane et j'ai perdu la banane, tu vois, c'est vraiment ça. Mais tu lui as redonné la banane, donc c'est quand même beau. Voilà, c'est ça. Je lui ai redonné la banane. C'est vraiment... Voilà. Ouais, c'est, quand on y pense en termes de métaphore, c'est assez fort. Alors, c'est un peu symbole, ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre dans mes, ouais, petites galères? Alors, ma galère la plus... La plus marquante et celle que je raconte et qu'on a peut-être déjà entendue dans d'autres émissions, mais c'est qu'il y a quelque temps, je jouais, ça devait être en 2016, un truc comme ça, je jouais au Riverain, qui est une grosse salle à côté de Saint-Louis, genre une salle de 600, 800 places, quelque chose comme ça. Je faisais un best-of et moi, mon sketch phare, c'est l'épilation. Donc, à la fin du spectacle, j'avais gardé en rappel le sketch de l'épilation. Et je viens saluer le public, les 800 personnes, ça, chlar, chlar, chlar, chlar, chlar. Et je rentre et je salue et je ressors, c'est le petit jeu de hey, « vous en voulez encore ? Oui !» Et donc, je reviens pour jouer le sketch de l'épilation. Et au moment où je rentre sur scène, je me tords la cheville, mais alors d'une violence. Le Aïe. Truc, j'ai le talon de ma chaussure qui chasse vers l'intérieur et j'entends ma cheville qui craque et je vois la chaussure par terre. Et il y a une douleur, mais fulgurante, qui parcourt tout mon corps. Et je me rattrape comme je peux à la table, qui devait être la table pour laquelle je devais jouer l'épilation. Le public continue à applaudir comme un dingue, parce qu'il n'a pas vu que j'ai perdu ma chaussure. Et donc, dans cette espèce de brouhaha, j'ai mon corps qui est une blessure entière, ma cheville qui me fait souffrir le martyr. Et je lutte contre l'évanouissement. Je suis vraiment dans un état. Et puis, en plus de ça, moi, je suis une abonnée au malaise vago. Donc, je me dis, je vais faire un malaise. C'est pas possible. Donc, je souffle. Je m'allonge sur la table. J'ai encore mon micro, etc. Et les gens continuent à applaudir comme des dingues en rythme avec la musique. Tu vois, là, là, là, là. Mon régisseur ne capte pas ce qui m'arrive. Et je suis en train de tomber dans les vapes, quoi. Et donc, je me rassieds sur le bord de la table et je dans un moment, dans une voix mais suppliante, je dis, excusez-moi, et pardon. Le public petit à petit commence à s'arrêter. Je suis désolée, je viens de me faire extrêmement mal. Oh. Ah ouais, donc il pensait que c'était dans le personnage, quoi. Et je dis, est-ce qu'il y aurait un médecin dans la salle? Et les gens éclatent de rire. Et là, je me mets à pleurer et je dis, Mathieu, toi tu connais le spectacle, tu sais que c'est pas une blague. Et là il y a le régisseur qui descend dans l'allée centrale et qui vient me voir, et là je suis assise, et là tout d'un coup, oh, le calme absolu dans la salle, vraiment il n'y a plus personne qui ouvre, les gens sont hyper mal. Et donc il y a deux pompiers qui arrivent sur les côtés comme ça, qui montent sur scène, et j'ai toujours le micro, hein, donc je parle, je fais, il me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis tordu la cheville, j'ai mal. Donc là, le pompier prend ma cheville, il touche comme ça, je fais « Ah !» Le pompier me prend sur son dos et je monte dans la loge avec le micro toujours allumé. Donc le public entend les pompiers en train de me parler, les trucs, etc. Puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui monte dans la loge. La première chose que j'ai demandé, c'est « Est-ce que quelqu'un peut me trouver une bière dans le frigo ?» C'est pour mettre sur ma cheville. Donc, je mets la bière froide sur ma cheville Et les pompiers, les pompiers m'auscultent, etc. Puis ils disent, bon, ben, on va vous emmener à l'hôpital pour faire des radios. Et il y a quelqu'un du public qui monte, qui fait, qu'est-ce qu'on fait avec le public? Parce que nous, on attend, en fait. Est-ce que... Je dis, bah, là, je crois que je ne vais pas pouvoir terminer. Donc, je redescends sur scène, sur le dos d'un pompier, et je dis, je suis vraiment désolée, mais il faut que j'aille à l'hôpital. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Et donc, je dis, je suis désolée, je voulais faire l'épilation, mais je pourrais pas. Alors, j'espère qu'il n'y a pas une seule personne dans la salle qui a laissé sur billet réduc. Elle n'a pas terminé son spectacle, c'est un scandale. Non, non, mais en plus de ça, c'est dingue parce qu'il y avait des gens qui étaient venus au bus et il y a même des gens qui ont suivi les ambulances jusqu'à l'hôpital pour aller en salle d'attente et voir ce qui m'arrivait. Donc, Ah, non, non, d'accord. c'était très sympa. Et après ça, Allez. j'avais fait un article dans la presse pour remercier l'hôpital de Saint-Louis qui avait été absolument adorable. Hein? Et voilà, donc ça, c'était vraiment, je pense, ma galère la plus, Ouais, je dirais, spectaculaire. la plus Spectaculaire, quoi. spectaculaire, ouais, vraiment. J'avoue, respect, c'est la première fois que j'entends parler d'un spectacle qui s'est terminé en after à l'hôpital. Ah bah écoute, tu sais que si tu veux avoir une histoire qui est quand même bien croustillante dans le genre, c'est Cécile Giroux qui s'est fait une, je sais plus ce qu'elle s'est fait, comment ça s'appelle, une luxation du genou, enfin un truc, et c'était sur une émission filmée. Donc on voit son genou qui se barre et on voit le genou à tel point que je sais aujourd'hui que la vidéo de son genou qui se barre est utilisée par des médecins pour montrer qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ont très peu d'images de ce genre d'accident, puisqu'en règle générale, quand ça t'arrive, tu as le après, mais tu n'as pas le avant, et tu n'as pas le moment où le genou... Donc là, ils sont faits des gros plans au ralenti de la rotule qui sort de son rail, enfin bon, je ne sais pas comment on appelle ça, Ouais, de son axe, axe. quoi. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, Cécile, elle a Oh. des histoires bien croustillantes aussi de ce côté-là. Alors, après, moi, dans les histoires que j'ai aussi, je ne sais pas combien de temps peut durer ton podcast, Vas-y, mais vas-y, t'inquiète. dans les histoires qui sont pas mal. Ah oui, voilà. Il y a quelques années, moi, j'ai rencontré Michel Boujna, qui est devenu ultra fan de mon travail. Il était venu par l'entremise de mon metteur en scène, Olivier Sitruk. Il était venu me voir au Bélier et il avait, mais alors, adoré le spectacle. Il m'a fait jouer ensuite au festival de Ramatuelle où j'avais joué un sketch. Et puis, d'ailleurs, j'avais eu l'occasion à l'époque de jouer devant Juliette Gréco à Ramatuelle et tout. J'étais comme une dingue. Et quelques temps plus tard, je suis contactée par la prod de Vivement Dimanche qui me dit, voilà, on fait une spéciale Michel Boujna dans Vivement Dimanche et Michel a très envie que vous veniez jouer un sketch dans Vivement Dimanche et ensuite de ça, d'être interviewée sur le canapé rouge. Donc, tu imagines l'état dans Papa. lequel je suis, la consécration, Drucker, canapé rouge, Boujna, en plus de ça, dans une spéciale, enfin voilà, donc j'étais toute contente. Et je me dis, je vais jouer le sketch que j'ai sur l'allaitement. Comme c'est un des seuls sketchs où je suis un peu en stand-up, donc ça me permet quand même d'être un peu dans le contact avec le public. Et je me dis, je vais raccrocher ça, trois hommes et un couffin, l'allaitement, etc. Je vais trouver une petite intro qui me permette de parler un peu au public et puis d'intégrer un peu le truc avec la vie de Michel Boujna. Et quand j'arrive, d'abord, il fallait vraiment que le sketch soit très court parce que c'est des formats où tout d'un coup, des sketchs de 8 minutes, il faut qu'ils fassent 2 minutes 30. Hein, donc, il fallait vraiment que je réduise beaucoup le sketch. Ah oui. Et en plus de ça, quand j'arrive sur place pour les répètes, etc., la nana qui se charge de la production et qui s'occupe un peu de tout là-bas me dit, alors Antonia, je vous préviens, le public de Vivement Dimanche est un public très âgé. Donc dans la salle, vous n'allez avoir que des très vieilles personnes ou des personnes en tout cas vraiment d'un certain âge. Ils ne sont pas réactifs, donc ne vous attendez pas à avoir des rires. Ça va être très difficile pour la plupart des humoristes qui viennent chez nous, c'est une traversée du désert. Donc concrètement, si vous avez des sourires sur les visages qui vous regardent, c'est déjà très bon signe. Vous avez un rire, c'est parfait. Vous avez deux rires, c'est un triomphe. D'accord. Et je pense que tu étais déjà prête, hein. Tu avais joué à l'hôpital psychiatrique avant. C'est ça, voilà. Donc je me dis, bon, maintenant que je suis conditionnée, je fais mon job, etc. Et alors, ce dont on ne se rend pas bien compte quand on regarde l'émission, mais c'est que le plateau, la scène est très très loin du canapé. C'est-à-dire qu'il y a au moins 5-6 mètres avant le canapé, quand on est sur l'espace scénique. Et le public est réparti autour du canapé, donc le public est vraiment loin. Je commence à jouer mon sketch, et sur le canapé, il y a Michel Boujna, Claude Lelouch et Salomé Lelouch, à côté de Michel Drucker. Et je commence à jouer le sketch de l'allaitement, où je parle avec un accent espagnol comme ça, enfin un peu sud-américain, et j'y raconte l'allaitement, les trois raisons pour lesquelles c'est important d'allaiter, que les femmes ils disent souvent « moi je n'allaitais pas » parce qu'ils sortent les raisons pour lesquelles ils n'allaitent pas. Et donc j'explique le truc, etc. Rire. Alors là, je continue. Rire. Rire, rire, rire, rire. Le public se marre, etc. Et moi, je suis vraiment sur ma lancée. J'ai vraiment la baraka, quoi. Je suis en train de tout défoncer, quoi. Donc, j'arrive dans un état d'euphorie, parce que je m'attendais à faire un bide absolu. J'arrive dans un grand état d'euphorie sur le canapé. Et il se trouve que je connaissais Claude Lelouch. J'avais prévenu Drucker. Hein, je lui avais dit, il y aura Claude Lelouch. Je dis, ah bah écoutez, ça tombe bien, parce que Claude Lelouch m'a remis le prix du Festival de Saint-Gervais en 2012. Et j'ai une petite blague à lui faire, etc. Ah bah pas de problème, je vous laisse faire votre petite blague. Voilà. Donc j'arrive sur le canapé, remontée comme une pendule. Applaudissements. Antonia Drandinger, bonjour. Eh bien écoutez, on est très contents de vous avoir. Alors je crois que vous connaissez Claude Lelouch. Je fais, oui, tout à fait, je connais Claude. Puisqu'en fait, Claude Lelouch m'a remis le prix du Festival de Saint-Gervais en 2012. Et d'ailleurs, Claude, j'ai apporté le petit mot que vous m'aviez écrit à l'époque. Je l'ai ici et il dit donc « Bravo pour ce prix. Maintenant, le cinéma va vous ouvrir les bras. » Et j'ai envie de dire, Claude, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Pas un coup de fil, pas une carte postale. Qu'est-ce que j'ai fait au cinéma pour que vous ne me tendiez pas les bras pour avoir un rôle dans votre prochain film ? Et là, sur le canapé, s'installe un vieux malaise. Il y a Salomé Lelouch qui me regarde en me fusillant. Boujna qui balbutie un... Et Claude Lelouch qui dit rien du tout et qui fait... Voilà. Bon, eh bien, Antonia, oh là là. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de vous avoir, etc. Je sors, moi, mais avec le sentiment que le petit malaise faisait partie de la joke, etc. Uh-huh. Donc, je sors de scène. Aurore Morgane fait « Bravo, c'était super, c'était cool, etc. » Donc moi, je suis toute contente. J'attends Boujna, l'émission se termine. Et là, il vient me voir et il me dit « Bon, je suis désolée, hein, c'était vraiment un gros bide, hein, votre sketch. » Ah bon? Et moi, je dis « Ah bon ?» Ouais, j'avais l'impression de son... que... Elle me dit « Non, mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû vous demander de faire un sketch, en fait, je sais pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. » Donc de son point de vue à lui, il n'y avait pas eu de rire, quoi. Voilà, de son point de vue à lui, c'était un gros bide. Et moi, j'arrivais, mais chaude comme la braise, avec le sentiment que j'avais tout défoncé. Oh là et là. En fait, je pense que j'étais dans un tel état d'euphorie que j'ai absolument pas pris la mesure du fait que ça n'avait pas été le succès que j'avais l'impression que ça avait été. Mais bon, voilà. Bah, c'est quand on te prévient, en fait, quand on te dit attention, là, le public n'est pas chaud, machin. Quand tu arrives à avoir le moindre rire, en fait, tu es tellement content que, ouais, en effet, ça peut se démultiplier dans ta tête, alors que dans la réalité, c'est peut-être un peu moins, je ne sais pas. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais il y a de ça. Et puis, après aussi, tu sais, c'est les grosses pressions qui retombent. Ça fait du bien, quoi. Quand tu as été vraiment sous pression et que ça retombe, ça fait du bien. Après, j'ai une autre anecdote qui est assez marrante, mais qui est plus courte. J'ai joué pas mal dans un petit bled qui s'appelle Saint-Sorlin-en-Valoir, où vraiment ils adoraient mes spectacles. Et donc, quelques temps après que j'ai joué Moi, jeu ou Travail, Famille, Poterie, je ne sais plus, ils me demandent de venir jouer mon spectacle et j'avais pas de nouveau spectacle. Ils me disaient, mais c'est pas grave, tu peux jouer le premier qu'on a jamais vu. Alors je dis, ouais, mais attendez, moi je suis venue déjà jouer plusieurs fois mes spectacles chez vous. Là, Itinéraire d'une enfant ratée, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas joué. Mais est-ce que tu te sentirais de le rejouer? Je dis, bah, allez, c'est comme le vélo, hein. Allez, hop, on le fait. À l'époque, c'était mon mari qui faisait les régies. Enfin, à l'époque où je jouais Itinéraire d'une enfant ratée, c'était mon mari qui faisait les régies. Donc, le plus simple était que je le sollicite pour qu'on refasse à l'ancienne la route ensemble et puis qu'on aille jouer le spectacle tous les deux, lui à la régie, moi sur scène. Et je me dis, bon, allez, c'est quoi, un mois avant, je ressortirai le texte, je le bosserai un petit peu, puis ça ira, quoi. Et puis, bon, on se connaît tous, hein, la procrastination absolue. 2 semaines avant, je me dis, ouais, bon, là, je ressors le texte demain, et puis je regarderai, etc. Résultat, le jour du spectacle, je me retrouve dans le train avec le texte que je n'ai pas lu ni joué depuis 4 ans, et je regarde le texte, et là, je me dis, mais c'est affreux, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Ça va être épouvantable. Je ne vais pas arriver à jouer ce spectacle. Donc, je suis dans un état de panique absolue. La salle est pleine, 350 personnes. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire. Bon, bah, je potasse le spectacle comme ça en le lisant, mais comme si je découvrais un texte de théâtre que je vais devoir jouer pour la première fois le soir même. Et quand j'arrive dans cet état un peu de panique dans la salle, la nana me dit « Bon, alors, on est hyper contents de t'avoir, alors pour les lumières, pour le matos technique et tout ça, on a à peu près tout ce que tu avais demandé. Donc voilà, je t'explique que tu avais demandé à avoir une boule à facettes. Donc on est arrivé à accrocher la boule à facettes comme ça, etc. Voilà. Bon, pour la face, on a acheté des projos avec des LED. Et puis tu avais demandé à avoir une douche. Alors pour la douche, je vais te montrer. Et donc pour le public qui nous écoute et qui n'est peut-être pas aguerri, une douche, c'est une lumière qui tombe du plafond en douche, voilà, sur le médium. J'arrive sur scène et il y a un échafaud en bois avec un pommeau de douche et des robinets. Ah, celle-là, elle est excellente. Ils avaient pris ça au et premier dit, degré. Une douche. Dit, alors, c'est Monsieur Lebrun qui est aux entrepôts municipaux de la ville qui a fabriqué ça. Alors, par contre, excuse-nous, j'espère que il n'y a pas d'eau, hein. L'eau n'est pas raccordée. C'est juste pour faire semblant, on est d'accord. Et là, je suis dans un état de sidération absolue. Je regarde ce truc et j'éclate de rire et je dis « Oh, c'est génial, c'est génial !» Je dis « je ne vais pas l'utiliser, mais je trouve ça tellement formidable. » Et donc, je lui dis « Alors, tu vois, en langage scénique, c'est pas ça, une douche, mais c'est tellement mille fois mieux ce que vous m'avez fait, j'adore !» Et donc voilà, donc je me suis retrouvée avec une douche en bois, avec un pommeau de douche acheté à Leroy Merlin et Monsieur Lebrun des entrepôts municipaux, des ateliers municipaux de la ville de Saint-Sorlin-en-Valoire, qui m'avait fabriqué une douche. J'ai trouvé ça génial. D'accord, j'espère que tu leur as pas demandé de te payer en cachet. Parce que là, bah écoutez, on vous a mis les doliprane de côté, hein, et. Ouais, non, ça aurait pu complètement. Vraiment, c'est trop mignon, quoi. Oh, c'est trop mignon. Mais tu sais, c'est doublement mignon. Mignon parce qu'ils ne savaient pas, du coup, ils pensaient que c'était une vraie douche. Et mignon parce qu'ils ont été jusqu'à la faire, les pauvres, tu vois. Tout à fait, mais complètement, complètement. Et tu sais, c'est aussi ce genre de truc que moi j'adore, c'est quand tu te balades dans des villes, des petites villes dans lesquelles recevoir l'artiste, ben, c'est quand même un événement. Tu vois, ils ont un petit budget pour l'année, ils font venir 4, 5, 6 spectacles, c'est la salle municipale qui sert, et puis tu vois les petites dames qui font les gâteaux, qui apportent les chaises, et tout le monde se met en quatre, et tu les vois à 16h monter sur des échelles et mettre des sacs poubelles le long des vitres pour obscurcir la scène, et ça, je trouve ça vraiment génial. Mais moi, je suis totalement d'accord, moi j'ai déjà joué aussi dans des endroits comme ça, j'ai joué dans des petits villages qui avaient à peine genre 50 ou 100 habitants, tu vois. Et franchement, c'est parmi les meilleurs spectacles que j'ai passés parce qu'il y a une véritable âme, tu vois. Ah mais bien sûr, bien sûr. Et les gens qui viennent au spectacle, moi j'ai toujours trouvé ça génial quand tu vas jouer dans des petits villages, je sais pas, tu vas dans le Morvan, dans des endroits comme ça dans lesquels il y a les gens qui viennent sont obligés de prendre la voiture et ils font 20-25 minutes de route pour venir voir le spectacle. Tu arrives dans des villes un peu fantomatiques comme ça dans lesquelles tu te dis « Oh là là, je me suis tapé 6-7 heures de train ou de transport pour arriver là. » La personne qui vient te chercher à la gare, elle est euphorique de t'emmener dans sa petite bagnole. Elle a son petit kangou de la ville, là où elle est toute contente, ça sent la bétaillère et tout. Mais ils viennent te chercher, ils sont hyper contents. Tu arrives dans la salle, tu vois que tout a été fait pour que tu sois bien accueilli. Tu as des petits produits du terroir dans ta loge, etc. Et puis, quand les gens viennent te voir à la sortie du spectacle, ils te remercient d'être venu, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, je gagne ma vie, c'est mon métier de venir. Et ils s'imaginent qu'en fait, ta vie n'est faite que de strass, de paillettes, et que venir les voir, c'est une forme d'aumône, tu vois. Alors qu'en fait, moi, ma vie d'artiste, elle est faite pratiquement que de rendez-vous comme ça avec le public. Que de rendez-vous dans des petites salles qui vont mettre une grosse partie du budget culture dans ma venue. Et moi, j'adore me dire que finalement, je vais à la rencontre de ce public-là, plus que dans des zéniths, des grosses salles qui ne me correspondent pas du tout en termes de volume, etc. Moi, j'adore jouer dans des petites salles avec du public de province qui aiment sortir, qui aiment aller au théâtre, qui aiment rencontrer les artistes à la fin, boire le petit muscadet avec eux. Et voilà, j'adore ça. Eh bien, écoute, c'est tout à ton honneur. Moi aussi, j'aime beaucoup le contact avec le public et tout. Pour moi, le spectacle ne s'arrête pas à la fin. Tu vois, il continue après quand les gens viennent te voir et parlent avec toi et tout. Mais en tout cas, vraiment, Antonia, merci beaucoup pour ta gentillesse et pour ces belles anecdotes. C'était vraiment super et ça correspond totalement à l'image que tu donnes d'une artiste proche des gens et tout. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, le public a pu me voir dans Opération Portugal. Je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, hein, mais en gros, moi, ma grosse entrée, c'est Facebook, Antonia de Randinger, sinon sur Instagram, Antonia officielle. Je fais de temps en temps des trucs sur TikTok, mais ma fille de 12 ans maîtrise clairement beaucoup mieux que moi. Donc là, je suis en train de suivre des formations pour arriver à avoir un public un peu plus jeune. Mais sinon, ouais, Insta, Facebook, Twitter, voilà. Et puis sinon... YouTube, peut-être ? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, mais vraiment, elle est pas très active. J'avais vraiment fait quelques vidéos pendant le confinement avec mes enfants, confinement en famille. Donc, on peut retrouver quelques vidéos qu'on avait faites tout ensemble avec mes filles et mon mari qui nous filmait. Eh bien, génial. Merci beaucoup. Donc, je mettrai tous les liens voilà, vers Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je mettrai ton TikTok aussi, si tu veux. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.